savoir se dit saber. Saber, ça s'écrit S-A-B-E-R. Saber, c'est savoir. Comment direz-vous je veux savoir? Quiero saber. Attention, on insiste sur la dernière syllabe. Quiero saber. Quiero saber. D'accord? Je ne veux pas savoir. No quiero saber. Attention, encore une fois, on insiste sur la dernière syllabe. No quiero saber. Comment direz-vous « Je veux savoir pourquoi vous ne l'avez pas maintenant ?» Quiero saber. Pourquoi ? Por qué ? Por qué, oui, vous ne l'avez pas. No lo tiene. Encore une fois. No lo tiene. Bien, no lo tiene maintenant. Ahora. Ahora, bien. Quiero saber, je veux savoir, por qué, pourquoi, no lo tiene, vous ne l'avez pas, ahora, maintenant. Quiero saber por qué no lo tiene ahora.